né, sont mic. Ok, toi-même tu sais. Jeunesse de fou. Ouais, j'ai une jeunesse de fou. Ok, je vais te la raconter. Ma jeunesse, yeah. C'est fou, c'est fou. DKSS, on y fout, c'est écoute. Ok, ok. And, yeah. Ma jeunesse à courir, ma jeunesse rêvée de père. C'est la chante aucune fois à la porte. C'est comme jouer au tiers, c'est des étapes pour ma R. C'est une solution qu'on a vers. C'est un passage à l'humilité. J'avance avec un but précis. Ma jeunesse, soit ma jeunesse, en mode d'emploi, je perds la notice. Ta jeunesse, ta réponse au fond de toi. Tout là, je suis nourri. Tu te fais haga, tu mérites. Quelques secondes après, tu médites. Dis-moi pourquoi tu m'élis. Je pense en problème avec mes rimes. Tout commence en 2008, les yeux dans les yeux naissent. Dès qu'on s'est vu, on s'est dit enfin on est deux. Passer sa jeunesse à vouloir percer, parti sur un coup de tête en étude. Passer du verset au 16, la jeunesse des rêves dans la tête, on a trop de similitudes. J'ai fait crever durant mon enfance, aujourd'hui je cours après ses inepties. Faire de son mieux comme si on jouait notre vie des bâtons dans les roues. Depuis mes crises d'épilepsie, j'ai bien vécu ces 14 premières années. Depuis je veux pas de vos studs, les portes ont toujours condamné. Si naissent, on avait enfin on a toujours le projet de percer. Tout était si facile avant qu'on soit séparés par le lycée. Ma jeunesse à courir, ma jeunesse rêvée de percer. La chance aucune fois à la porte. C'est comme jouer au tiers. C'est des étapes qu'on m'a RC. Une solution qu'on a versé. Un passage à l'humilité. J'avance avec un but précis. Ma jeunesse, ouais, la jeunesse. Notice la jeunesse, la réponse trouve fond de toi. Tu m'éclates, là je suis nové. Tu te fais haga, tu mérites. Quelques secondes après tu médites. Dis-moi pourquoi tu mérites. Je pense en problème avec mes rimes. Ma jeunesse débarre de rire. Ma jeunesse des barres de claques, des moments inoubliables qui restent gravés dans mon âme. Le Maroc, le soleil, le sourire et la mer, la famille, une ambiance, une envie de retourner sur mes terres. Qui sait un jour des ambitions à ne pas lâcher. Je jouais à cache-cache, j'étais le seul à me cacher. S'évader, s'envoler avec ou sans aile sur un bateau. J'ai dû apprendre à nager à mes rêves pour qu'ils ne prennent pas l'eau. J'ai fait le dalle, j'avais une jeunesse unique. Les coups, je m'assemblais en moi, rien qu'elles sont plus dictes. Tu me critiques, je m'en fous, crée, je garde le sourire, le rap m'a sauvé, je poserai jusqu'au dernier soupir. Ma jeunesse à courir, ma jeunesse rêvée de père. C'est la chance d'aucune fois à la porte, c'est comme jouer au tiers. C'est des étapes qu'on m'a erré, c'est une solution qu'on a versée. Un passage à l'humilité, j'avance avec un but précis. Ma jeunesse, ouais, ma jeunesse, en mode d'emploi, j'ai perdu la notice. Un jeunesse, la réponse trouve au fond de toi. Tu m'éclates, tu es novice, tu te fais haga, tu mérites. Quelques secondes après, tu médites. Dis-moi pourquoi tu mérites, je pose sans problème avec mes rimes. DKSS. C'est Nes, c'est pour la mix, ok. Pour la famille. Ma jeunesse, c'est mes traits, ok. Nes. Ma jeunesse.